On va parler du Super Bowl, du 52e Super Bowl qui était disputé hier. On en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, déçu un peu, mais j'aurais crédit quand même aux Eagles. Je suis pas le gars le plus. Je suis un grand fan des Pats et de Tom Brady. Mais regarde, coudonc, je pense que les Eagles, faut donner crédit aux Eagles. Et surtout, moi, ce qui me déçoit là-dedans, c'est que Matt Patricia. Et pour une première fois, je pense que Matt Patricia et Bill Belichick n'ont pas été capables de trouver la solution. Et c'est ça qui est un petit peu décevant là-dedans. Parce que c'est moi, écoute, quand tu gagnes, tu lances pour 506 verges, 3 passes de toucher, puis tu perds le match, il y a un problème. Houston a un Ouais, problème. ça c'est sûr que tu peux pas penser perdre un match quand t'as marqué 33 points. Et puis, tu sais, le joueur du match, bon, ça a été Foles, mais pour moi, c'est pas un joueur. Le joueur du match, c'est Doug Peterson, ce qu'il a fait avec son équipe. Écoute, l'équipe d'entraîneurs, l'entraîneur-chef des Eagles, ont été tout simplement les vedettes de ce match-là. C'est sûr que Nick Foles a lancé des balles incroyables, puis des attrapés aussi incroyables, mais le plan de match était exceptionnel. Et c'est effectivement surprenant d'avoir vu Patricia pas être en mesure de contrer l'attaque, mais l'attaque des Eagles, mais je pense que vraiment le crédit revient à cette unité-là. Des Eagles où on est en mesure de faire les gros jeux au bon moment, de surprendre l'adversaire. Peterson, comme entraîneur-chef, a été pour moi il a connu tout un match comme entraîneur, a su garder son équipe en contrôle, même quand ça devenait serré, puis qu'on joue contre Tom Brady, puis qu'on sait qu'à tout moment il peut revenir. Ben ouais. On a Mais tout fait qu'est-ce qu'il fallait. Pascal, moi, ce que j'ai noté, trois, quatre choses que je dois noter. Premièrement, la conversion du troisième essai, je pense que c'est 9 en 15. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as contrôlé le ballon. Et quand tu es au troisième essai puis que tu convertis 9 fois en 15, ça veut dire que pendant ce temps-là, tu écoules le temps puis tu laisses Tom Brady sur le banc. Et de 1. De deux, ce que j'ai remarqué, les attrapés extraordinaires de Ashton Jeffries. Et de trois également, Matt Patricia n'a pas été capable de trouver une solution. Et de quatre, je te dirais, ça vient pas de moi, mais c'est un gars qui a écrit ça sur Internet, sur mon Facebook, et avec raison, c'était juste le titre. On n'a pas été. On a, du côté des Pats, on aurait dû utiliser plus l'attaque au sol. Ralentir le jeu. Es-tu d'accord avec moi? Écoute, y a plusieurs points que tu as mentionnés. Effectivement, les troisièmes essais. Du côté des Patriotes, on a été seulement capable de compléter 50% de nos troisièmes essais, tandis que du côté des Eagles, on a été à 60, au-dessus de 60% de complétion au niveau des troisièmes essais. Ça, c'est un bon succès pour une équipe. C'est une bonne statistique pour le temps à l'attaque, effectivement. Au niveau du jeu au sol, je pense qu'on a quand même eu quelques bonnes percées. On a couru le ballon là, je pense même pas même pas 20 fois là, à peu Ouais, je près là, pensais ça. en tout peut-être une vingtaine de fois gros maximum. On a un peu plus couru du côté des Eagles, sauf qu'à un moment donné, il y a le temps aussi qui joue contre toi. Puis c'est une équipe, on n'a pas couru beaucoup, je suis d'accord. Mais chaque premier jeu et deuxième essai, c'était des play action. OK? Donc, c'était notre plan de match pour essayer d'enlever la pression. Parce que moi, j'étais persuadé qu'on essaierait d'amener beaucoup de pression chez les Eagles sur Tom Brady. Puis, on n'a pas été en mesure. Oui, il y a eu un gros sac du corps en fin de match, on le sait. Mais c'est le seul sac du corps qu'on a accordé. Pour quelle raison? Parce qu'on a utilisé beaucoup le play action. Donc, c'est une façon de contrer la pression. C'est sûr qu'après coup, on peut se dire qu'on aurait peut-être pu dû on aurait dû faire ça puis si de mieux, mais ultimement, tu as lancé 500 verges, tu as eu trois passes de toucher, tu as mis le ballon dans les mains de tes meilleurs joueurs et c'était la façon d'essayer de gagner le match du côté des Patriotes. Effectivement. Donc, écoute, c'était un excellent match. Là, je vais te parler de la situation de Nick Foles. Nick Foles, j'étais sûr qu'il était joueur autonome à la fin de l'année, mais Non, semble-t-il non. que non, il resterait un an au contrat. Par contre, certainement que Nick Foles, qu'est-ce qui l'avenir lui réserve? Le gars, écoute, le gars est. Moi, je l'ai appelé le Jeff Hostetter version 2017, et avec raison. Et deuxièmement, il amène son équipe au Super Bowl. Il faut lui donner crédit. Personne au début voyait les Eagles aller au Super Bowl. Il y a encore bien moins le gagner. Donc, faut donner crédit à Nick Foles. Hier, il était excellent, mais par contre, dans les autres matchs, il faisait pas d'erreur. Il a même été très bon aussi contre les Vikings, là. Mais écoute, le gars, il a pas été capable. Quand on l'a vu comme partant, il est très bon, mais par contre, pour une longue période d'être partant, ce qu'il a prouvé actuellement, c'est c'était difficile. C'est ce qui va arriver dans son cas. Moi, je pense qu'à quelque part, le fait qu'il n'y a pas de carrière, puis on en a parlé souvent, on en a parlé très souvent, Pascal, même du côté des Alouettes, le fait qu'il n'y a pas eu, et ça va l'aider, ça se trouve un poste de vente. Ben, ce qui arrive aussi, c'est que Nick Foles n'a peut-être pas connu le succès. Il faut pas oublier qu'il y a une de ses années comme partant, c'était avec Chip Kelly puis son offensive de la NCAA. Donc, il n'y a pas grand carrière qui aurait eu connu tant de succès que ça dans ce style d'attaque-là. Bon, là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la blessure de notre carrière en ce moment, partant, on ne le sait pas le temps que ça peut durer. C'est quand même une très bonne blessure là, qu'il y a eu au genou. Ça prend beaucoup de temps. De quelle façon il va revenir de cette blessure-là? Donc moi, du côté, je m'attends à ce que du côté des Eagles, on essaie vraiment de garder Foles et qu'on augmente sa valeur. Okay? Ça, c'était parce que Carson Wentz, on le sait très bien, on le sait qu'il est bon. On le sait que c'est notre carrière, la carrière du futur de cette équipe-là. Mais là, on a besoin d'une assurance. Nick Foles, c'est une assurance de qualité supérieure. Ben, c'est ce que ça prouve, c'est que l'utilité d'avoir deux bons carrières, c'est comme deux Ah bons oui. gardiens de but au hockey, c'est la même affaire, là. Puis là, Ah oui, tout à fait. c'est un Tout à luxe, mais fait. c'est un luxe vraiment. Écoute, hein? Oh non, c'est un luxe, mais quand tu as géré une équipe, tu sais. On a critiqué beaucoup les Eagles quand ils ont fait leur acquisition de Wentz, puis un échange, puis ils sont allés chercher Foles, puis il y avait, tu sais, c'était. Moi, je trouve qu'ultimement, ce qu'ils ont fait a fini par payer puis gagner un Super Bowl. C'était une gestion risquée, mais tellement bien faite finalement. Je suis persuadé, puis Foles semble un gars. Il me semble pas le genre de joueur qui va demander un échange, va demander ci pis ça. Donc, ça va être intéressant de voir la valeur qu'il va avoir parce que sont pas fous non plus les Eagles. Si eux, leur objectif, c'est de le garder, ils accepteront parce qu'ils sont en business en gardant Foles, là. Ben ouais. Hein, on s'entend hein, là-dessus que l'idée de garder ce joueur-là pour eux. C'est une belle police d'assurance, donc ils ne voudront pas le donner pour n'importe quoi. Non. Peut-être qu'une équipe qui va vouloir payer cher pour l'avoir. Et puis là, mais encore une fois, ça va sûrement être que positif pour les Eagles qui s'annoncent à être une équipe menaçante pour les prochaines années, mais de façon assez importante parce qu'ils sont remplis de jeunes bons joueurs. J.J.I., ça a 24 ans. Tu as Corey Clement qui a connu tout un match, qui est une recrue de 23 ans. Aguilar, qui a 24 ans. Zachers, ça a 27 ans. C'est des jeunes joueurs. Une ligne à l'attaque qui est productive. Des jeunes demi de coin. Donc, on est équipé à des positions clés pour un bon bout de temps. Donc, les Eagles, bon, je comprends ta déception de ton côté, Danny, mais je pense que pour la nationale, on vient d'avoir un nouveau shérif in town, puis ça s'appelle les Eagles de Philadelphie. Ouais, mais Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir. Par contre, je suis pas sûr. Tu sais, tu regardes Dallas. Moi, je pense que Dallas vont rebondir dans les prochaines années. Les Rams de Saint-Louis, les Rams de Saint-Louis ont Ben, monté. Dallas, Dallas. Rams, Vikings, ça va tout être des équipes qui vont être encore en mesure de bien Effectivement. compétitionner. Mais on les a vus, hein, les équipes monter, descendre à travers, c'est ça qui est beau de la NFL. Il ne faut pas oublier les Panthers. Les Panthers ont connu une bonne saison et ils risquent d'être encore dangereux. Mais les Eagles, écoute, quand on a parlé de l'entraîneur de l'année dans la NFL, moi, j'allais beaucoup pour le coach des Rams. Mais après avoir pris du recul, puis réfléchi, puis regardé le Super Bowl, puis les playoffs, puis comment l'équipe a été gérée par Peterson, écoute, je suis complètement vendu en ce moment, là. OK. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle, Pascal, on se reparle très bientôt parce que le marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne va s'ouvrir dans un avenir très, très, très rapproché. Fait que j'ai bien hâte de Oui. voir. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle. Puis t'as vu, Danny, t'as vu Ouais. les Eskimos d'Edmonton qui ont libéré Bowman, un receveur, Ouais. Edris Bowman, qui est un receveur incroyable. Ben, J'aimerais bien ça que les Alouettes mettent la main sur lui. il y a une nouvelle qui vient de tomber, c'est plus local, mais tu dois le connaître quand même. Alexandre Gagnon, qui a joué pour le Vert et Or de Sherbrooke, et qui est natif de Dolbeau-Missassini, vient de signer une entente avec les Stampeders de Calgary. Donc, Oui, Alexandre tout à Gagnon, fait. qui avait impressionné au camp d'entraînement des Stamps l'an passé, on l'aimait beaucoup par sa grande taille. Donc, ça, c'est une belle nouvelle pour le football local, puis à quelque part, et football régional dans la région. Bon, mais tant mieux pour notre football au Québec. Ouais. Donc, Pascal, on s'en reparle dès l'ouverture du marché des joueurs de monde. Je pense que c'est quelque part la semaine prochaine. Effectivement. Pascal Masson, notre collaborateur football.